l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Alors, on visite ta maison ? Alors par quoi on commence ? Ici, on est dans la grande pièce du rez-de-chaussée qui fait office de salon, séjour, salle à manger, cuisine, bureau, un peu tout. Devant nous, on a une serre solaire, donc la maison est bien orientée plein sud, enfin légèrement ouest, ce qui nous permet de profiter des apports solaires passifs, malgré des masques assez importants, parce que c'est une maison de ville, donc on a des mitoyens, on a des bâtiments à côté qui font des masques à l'est et à l'ouest. Alors c'est ce qui reste du bâtiment d'origine. Là, il ne reste plus que un morceau de la toiture. Alors, il y a deux travées, donc c'est un morceau qui fait quand même 80 mètres carrés. On voit la charpente et la couverture du hangar d'origine. Cette charpente et cette couverture venaient jusque là où on est, grosso modo, enfin jusqu'à la serre solaire dont je parlais juste avant, et formaient l'intégralité du restaurant qui avait été aménagé dans ce hangar. Donc auparavant, ce hangar, ça avait servi de garage, et en 99, quelqu'un avait racheté le bâtiment pour transformer ça en restaurant brésilien, en churrascaia. Donc c'était un restaurant qui faisait 300 mètres carrés de surface au sol, dont à peu près 80 de cuisine et une vingtaine de sanitaires. Tout le reste, c'était la salle de resto. Et donc on a démonté l'intégralité de l'aménagement du restaurant et une bonne partie de la charpente pour récupérer les matériaux et construire cette maison à la place. D'accord, donc ce grand bâtiment, finalement, il a été, on peut dire, démonté pour les deux tiers. Il y a la partie donc, qui est face à la rue qui reste, donc ça te sert, tu as gardé donc, une partie de la charpente et du bois, c'est ton atelier, qui fait avec la porte qui donne sur la rue. Au milieu, ça fait du coup une partie déconstruite, cour intérieure, et avec les matériaux des deux tiers déconstruits, tu as construit la partie habitable qui est au fond, en fait. C'est ça. Alors, la majorité des matériaux qu'on servit à la reconstruction de cette maison, c'est surtout les matériaux d'aménagement intérieur. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, du genre, par exemple, toute l'électricité de la maison, tout le réseau électrique a été refait intégralement, neuf avec du vieux. Le bâtiment étant très très grand et ayant été aménagé en restaurant assez récemment, les matériaux étaient tout à fait aux normes et de qualité industrielle même. Donc on a pu récupérer plusieurs fois la longueur du bâtiment en câble électrique. Donc il y a eu je ne sais pas combien de centaines de mètres linéaires de câbles qui sont sortis de là, qui nous ont permis de refaire le réseau électrique de la maison. Donc ça fait partie des choses qui ne sont pas visibles. Et à côté de ça, par exemple, donc la salle de restaurant faisait à peu près 200 mètres carrés. Ces 200 mètres carrés étaient en plancher. On a démonté l'intégralité, on a gardé les meilleures planches pour refaire le plancher de l'étage. Et toutes les lames de plancher les plus abîmées ont été redébitées en tuiles pour faire le bardage de la façade que tu as vu tout à l'heure. Donc l'entrée, en fait, le mur extérieur. Le mur de façade, voilà. L'intérêt, c'est l'isolation ? Non, l'intérêt, c'était surtout de ne pas gaspiller de matière. On s'est retrouvé avec une centaine de mètres carrés de plancher trop usé pour être utilisé en plancher. Il y avait deux solutions, on va dire trois en exagérant un peu. La première, c'était de mettre tout ça à la déchetterie. Pour du bois, c'est dommage. La deuxième, c'était de mettre tout ça dans mon poêle. Ça aurait pu me servir à me chauffer en hiver. Et la troisième, c'était de lui trouver une fonction un peu plus pérenne. Et en l'occurrence, faire du bardage, ça permet de le conserver pendant... On verra, là ça fait 3 ans qu'il est en place, il a très peu bougé, je pense que d'ici 20 ou 30 ans, je me poserai la question de savoir si je le change. Alors le bardage, ça sert à quoi ? À protéger la façade. C'est comme l'enduit, comme tous ces trucs-là, ça permet de protéger l'isolant qui est derrière, etc. Alors ton sol, il est assez joli, c'est plein de petits morceaux de bois, c'est de la récup aussi ? C'est de la récup. Alors ça ne vient pas du restaurant pour le coup, mais ça vient de juste à côté d'un village qui s'appelle La Sub. J'ai eu la chance de tomber sur une annonce du Bon Coin, en fait, un paysan de... Pardon, non pas de la SOP, d'Augelet-Bains, c'est à côté, à qui il restait un stock de poutres d'une trentaine d'années, de l'époque où il avait construit sa maison lui-même. Donc il a une formation, ce monsieur a une formation à la base de charpentier-menuisier. Il a travaillé dans une grosse entreprise du coin, et le jour où ses parents ont pris leur retraite de l'exploitation, il a récupéré l'exploitation, il a construit une maison pour lui et sa femme. Et pour construire cette maison, il a été coupé des chênes sur son terrain, qu'il a laissé tremper pendant un an dans la rivière, etc., coupé à la bonne lune. Enfin, il m'a tout expliqué, j'ai tout oublié, mais toujours est-il que c'est du super bois, et il lui en restait à 2 mètres cubes, je crois, quelque chose dans le genre. Et je lui en ai racheté une bonne partie que j'ai recoupé. Alors pour le coup, je ne les ai pas utilisés en poutre, hein, je les ai recoupés en petits carreaux et pour faire un plancher qui s'appelle un plancher en bois debout. C'est-à-dire que le sens des fibres n'est pas dans le sens normal d'un plancher, c'est-à-dire en long, dans le sens de la longueur des lames, mais dans le sens vertical. Donc ça fait comme des milliards de petits poteaux sur lesquels on marche, ce qui permet d'avoir un plancher extrêmement costaud. Et c'est très beau, donc c'est comme du carrelage, mais c'est en bois, avec des coloris différents, une petite mosaïque. C'est ça. Alors il y a, je disais, la charpente, c'est la majorité de l'essence, c'est le chêne, donc le brun majoritaire qu'on voit, et puis il y a des petits carreaux plus clairs ou plus sombres qui eux sont de la récup un peu anecdotique, mais qui m'a amusé. Les carreaux les plus sombres qu'on voit ici, c'est des pièces qui viennent des poteaux de rambarde de l'escalier du 62 de la rue d'Etigny, qui était à l'époque le local de l'armée de l'air. Et donc ça me fait marrer d'avoir des morceaux de l'armée sur lesquels je marche. Les bois les plus clairs, en l'occurrence on voit le bois jaune, c'est du buis des montagnes, un bout de bois que j'ai trouvé dans les montagnes. Et d'autres bois plus clairs ici, c'est du cèdre. Et ça, pour le coup, c'est le reste des menuiseries qu'on a fabriquées pour l'étage. Il me restait un petit peu de bois, donc je l'ai redébité comme ça aussi, et ça permet de mailler un petit peu et de faire une petite vibration sur le sol. Voilà, donc en fait, une maison qui utilise des matériaux qui sont issus de la déconstruction, ça permet aussi de raconter, enfin en tout cas de se souvenir de plein de choses, et finalement ça raconte une histoire. Oui, alors ça raconte une histoire, il y a pour deux raisons. D'une part parce que effectivement ce sont des matériaux qui sortent d'environnements un peu spécifiques, qui ne sortent pas de chez Point P ou chez Tillet. Et d'autre part en plus, ce chantier-là, il a été réalisé en autoconstruction. Résultat, je connais l'histoire de la moindre pièce, qu'elle soit de bois ou autre, de toute cette maison, et je peux raconter d'où ça vient, comment ça a été transformé, qui l'a posé, etc., etc. Donc effectivement, tout a une histoire ici. Mais c'est le cas également des objets, parce qu'au final, il n'y a pas que la maison qui est faite en récup. Quasiment tout l'aménagement vient soit des poubelles, soit des mahus, soit de genre d'endroit. Et donc ils ont tous aussi une histoire un peu particulière. Tout comme ta cuisine, hein, qui n'est pas du tout du IKEA, c'est de la récup. Tu as fait travailler des artisans pour fabriquer sur mesure avec tout ce bois et ces morceaux, ces éléments récupérés à droite à gauche. Alors oui, parce que donc le chantier a été fait en autoconstruction, ça ne veut pas dire que je sais tout faire, loin de là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus sur ce chantier, qui m'ont aidé. Et puis j'ai également demandé à des professionnels certains travaux bien particuliers, du genre justement tout ce qui concerne la menuiserie. J'ai demandé de l'aide, en tout cas pour la cuisine. J'ai missionné une jeune ébéniste, menuisière ébéniste, et je lui ai demandé de faire les plans de travail avec toutes les chutes de bois qui me restaient de menuiserie de la maison. Donc ça fait un plan de travail avec plein de couleurs, plein de bois différents, dont je peux raconter aussi toute l'histoire à chaque fois, quoi. Alors pour se chauffer dans une maison passive, alors c'est une maison passive? Non, elle n'est pas passive. Elle est bioclimatique, c'est-à-dire qu'elle profite des apports solaires passifs. Ça n'est pas une maison passive au sens où une maison passive, c'est une maison qui ne consomme pas d'énergie. Il n'y a pas de moyen de chauffage dedans, c'est pas nécessaire ou quoi au caisse. Ici, on n'est pas dans une situation où on peut atteindre le niveau passif. Je parlais tout à l'heure des masques des maisons mitoyennes. Effectivement, ils sont trop importants pour permettre d'avoir un apport solaire suffisant pour chauffer toute la maison. D'autre part, c'est une maison qui est à demi-enterrée. Résultat, ça a des avantages sur le plan thermique, hein, puisque la température de la maison varie très très peu. C'est un peu comme dans une cave, quoi. On est toujours à minima 12 degrés à l'intérieur sans chauffer. Je veux dire, ça descendra jamais en dessous, il n'y a pas de problème. Par contre, ça veut dire qu'il y a une masse thermique énorme à faire chauffer, et donc elle monte jamais très haut en température non plus. Donc on n'est pas dans une maison passive. Par contre, on est dans une maison bioclimatique du fait de la serre solaire, et une maison qui cherche à minimiser sa consommation d'énergie, tout au moins pour le chauffage. Et donc la solution qu'on a choisie ici, c'est un poêle de masse, autoconstruit aussi, qui est assez connu sous le nom de poêle roquette, hein, ou poêle dragon en français. C'est quand même plus joli, un peu moins agressif, et qui permet de diffuser la chaleur d'une flambée de 2 heures pendant 24 heures dans la maison, à travers une batterie thermique qui accumule cette chaleur et qui la rediffuse doucement à basse température toute la journée. Alors, ce que tu appelles une batterie thermique, finalement, c'est une sorte de canapé construit en dur, très très joli. En tout cas, on peut s'asseoir dessus, et c'est pas du tout une batterie comme on pourrait l'imaginer. Non, c'est un vrai meuble, ça fait partie de la... Enfin, c'est un meuble, ça ne se bouge pas, donc c'est un immeuble, mais c'est quelque chose qui est également fonctionnel, puisque effectivement, c'est une banquette avec un petit muret derrière, et cette banquette, elle nous sert de deuxième canapé, en quelque sorte, sur le salon, et puis aussi pour faire la sieste de temps en temps, parce que quand on est allongé sur une banquette qui chauffe à 30 degrés, on est bien, on n'a plus envie de bouger, donc voilà. Alors, poêle dragon plus poêle de masse, avec très peu de bois, tu peux chauffer cette maison. Il y a un rapport de nombre de stères par rapport au nombre de mètres carrés, tu pourrais nous dire, ou c'est difficile? Non, alors d'une part, c'est assez difficile, déjà parce que je ne suis pas expert de cette question-là, du dimensionnement des systèmes de chauffage, particulièrement des chauffages au bois, par rapport à la surface d'une maison, mais de toute façon, c'est corrélé à l'orientation de la maison, à son isolation, à tout un tas de paramètres qui font que on peut pas dire que ça consomme moins ou plus, ça dépend du projet dans sa globalité. D'autre part, un poêle de masse consomme pas moins de bois qu'un poêle pas de masse. Il va simplement avoir un rendement qui va être supérieur à une cheminée à foyer ouvert, par exemple, ou à un insert. Par contre, le rendement va être à peu près identique à un poêle contemporain qui chauffe bien. La grosse différence, c'est surtout qu'il accumule la chaleur et qu'il la rediffuse à basse température sur 24 heures. Ce que ne fait pas un poêle standard, qui lui va chauffer très fort pendant le temps de la flambée et qui va redescendre en température très vite une fois que la flambée est finie. Donc si ça a chauffé l'air et qu'on a une maison qui est bien étanche à l'air, dans ce cas-là, l'air chaud va rester dedans et c'est très bien. Si jamais on a une maison ancienne, ce qui est un peu le cas de celle-là au final, donc avec des fuites d'air un peu partout, avec une mauvaise étanchéité, dans ce cas-là, au bout de quelques heures, tout l'air chaud est parti et il faut relancer le chauffage. L'avantage du poêle de masse, c'est que lui ne chauffe pas l'air, c'est comme un petit soleil dans la maison. J'aime bien cette image-là, ça correspond vraiment à ça. Faut imaginer les jours d'hiver où on est en haut de la montagne, où le thermomètre indique 0 degré ou moins 5 degrés, mais il y a un grand soleil et on est en t-shirt au soleil parce que justement on crève de chaud. C'est pas la température de l'air qui compte, c'est le rayonnement solaire, c'est le rayonnement infrarouge. Et si on se met à l'ombre dans ce cas-là à la montagne, on va grelotter, on va avoir vraiment très froid. Et le poêle de masse, il fait exactement pareil, c'est-à-dire qu'il va rayonner et on va sentir ce rayonnement et on va être bien. Alors que si on regarde le thermomètre, là actuellement il fait 17 degrés. 17 degrés dans un salon, c'est pas du tout la température de consigne. On est à peu près à la température de consigne d'une chambre, une chambre étant plus froide qu'un salon. Un salon, théoriquement, il devrait faire 21 degrés pour être bien. Bon, là on est à 17 degrés, on est pas mal. Bon, après, on a un pull aussi, hein, mais on n'est pas dans une situation à devoir mettre des gants, etc. Alors qu'à 17 degrés, normalement, on est pas bien. Je confirme. Alors, c'est parce qu'il rayonne encore, là? Là, il rayonne toujours, même si quand on met la main, j'ai pas fait le test tout à l'heure pour le coup, il doit être à peine tiède, donc on doit à peine sentir la chaleur. Par contre, ce qui est flagrant, c'est si on met la main sur la banquette, là, et qu'on met la main sur le mur qui est là-bas dans l'alcôve, par exemple, qui, lui, est à la température normale des murs, on va sentir que le mur est bien froid. Et alors que la banquette, elle est tiède. Résultat, elle continue à rayonner même si on ne le sent pas directement, quoi. Ce qui participe de ce confort qu'on a ici. Alors pour info, il est 16h et t'as fait quand t'as flambé de 2h, c'était hier soir? C'était hier soir, entre 19h et 21h. Voilà. Donc d'ici 2-3 heures, effectivement, je vais la relancer et, parce qu'on sera arrivé au bout. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawn in. Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning. It's all the streets you cross. So long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will come. It's nothing at all. On va monter à l'étage. Alors ce qui est rigolo sur cette maison, c'est un peu particulier. On a une maison qui est de plein pied sur deux niveaux. Donc je disais tout à l'heure, elle est à demi enterrée, donc quand on va arriver à l'étage, tu verras, il y a une porte sur l'extérieur qui donne sur une ruelle, donc on est de plein pied sur deux niveaux. Alors tu vois la ruelle en question, donc la maison est enterrée d'une hauteur de niveau, donc un peu plus de 3 mètres, hein, ce qui permet d'avoir cette inertie aussi importante et qui fait que cette maison descend jamais bas en température, mais ne monte jamais très haut non plus. Et puis l'étage, lui, est complètement ouvert au nord et au sud sur la serre, les chambres donnant sur l'intérieur de la serre, donc qui fait espace tampon et qui évite d'être en contact direct avec l'air froid de l'extérieur. Là, ce qu'on a sous nos pieds, c'est le plancher de la salle de restaurant qui a été déposé et reposé ici à l'étage avec un coup de ponceuse et puis une huile dure et hop, c'est reparti comme en 40, il paraît comme neuf. Les cloisons qui délimitent les chambres, etc., sont également en grande partie, pas en totalité parce qu'on avait pas, on n'en a pas sorti suffisamment, mais en grande partie en plaques de plâtre de récupération, enfin issues de la déconstruction du restaurant également. Ce qui nous a permis de faire déjà des économies d'une part, et puis ensuite, et ça c'est quelque chose qui est assez important vis-à-vis de la déconstruction et du réemploi, vis-à-vis des professionnels, c'est que ça évite aussi de brasser de la matière. Une plaque de plâtre, ça pèse quand même assez lourd, j'ai plus le poids en tête, mais je sais plus, on est à 25, 30, 35 kilos, je sais plus, enfin bon, faudra, les auditeurs vérifieront. Bref, c'est suffisamment lourd pour que ça soit fatigant à porter, et là, dans le cas présent, on a évité d'emmener des plaques, des vieilles plaques à la déchetterie, pour revenir charger avec des nouvelles plaques, et donc de brasser de la masse. Au final, on les a démontées, on les a posées dans un coin, et puis quand on a eu besoin de les réutiliser, hop, on les a reprises de là où on les avait posées. Donc on s'est économisé beaucoup de force physique aussi, et également beaucoup de poussière, parce que quand on fait une démolition d'intérieur de placo, la démolition standard, c'est d'y aller à la masse, de tout arracher, de faire plein de poussière, ce qui fait que si on n'a pas mis les EPI, les équipements de protection individuelle qui vont bien, on a de la poussière de plâtre dans les poumons, etc. Et sur le plan du confort de travail, on va dire, pour les artisans, c'est véritablement impactant. Moi, je connais un plaquiste qui pratique la déconstruction et le réemploi de plaques de plâtre sur ses chantiers et qui m'expliquait que même si il n'était pas forcément gagnant économiquement, toujours, n'empêche qu'il préférait faire ça parce que pour lui, c'était plus facile physiquement et que bah, ça lui permettait de faire des chantiers de manière beaucoup plus zen, quoi. Ça, c'est la chambre d'un lit... Du André, machin, tout ça. Et puis là, bah, tu sens déjà, en fait, il fait plus chaud dans la serre qu'à l'intérieur. Pourtant, il n'y a pas eu énormément de soleil. On a eu un rayon de soleil là, sur les coups de midi. La serre doit être à, je sais pas, 17 ou 18 degrés, quelque chose comme ça. Et ça permet d'avoir un espace tampon qui renforce énormément. Quand on n'a pas de soleil, en fait, ça fait un renforcement vraiment important de l'isolation. Et s'il y a du soleil, ça fait carrément système de chauffage, quoi. Ça permet d'avoir de l'air chaud qui rentre dans la maison et qui permet de réduire d'autant les flambées, on va dire. Donc c'est une serre qui fait finalement... qui englobe un petit peu toute la maison et qui fait espace tampon, qui va capter les rayons du soleil, mais qui va à la fois donc réchauffer, mais rafraîchir l'été. Alors oui, le principe de cette serre, c'est qu'en hiver, le soleil va taper sur le vitrage, va faire monter la température de l'air à l'intérieur de la serre. Dans ce cas-là, on ouvre les menuiseries intérieures, ce qui permet de faire circuler cet air chaud dans l'intégralité de la maison. Alors oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la serre, elle fait les deux étages de la maison. Il y a un grand vide dans cette serre qui permet de couvrir les deux étages. Il n'y a pas de blocage de la circulation d'air. Donc quand l'air est chaud, on ouvre les fenêtres intérieures au rez-de-chaussée à l'étage, l'air circule dans la maison et donc permet de réchauffer. Et par contre, en plein été, quand il fait très chaud dehors et que le soleil tape, parce qu'on n'a pas de casquette, enfin ce qu'on appelle une casquette, c'est-à-dire un débord de toit vraiment important qui protège des rayonnements du soleil. En fait, c'est la serre elle-même qui sert de casquette. Donc le soleil continue à taper sur le vitrage de la serre, donc ça monte en température aussi en été. Sauf que là, dans ce cas-là, on ferme les menuiseries intérieures, on ouvre les menuiseries extérieures et tout cet air chaud, toujours avec cet effet cheminée, circule et sort de la maison, ressort vers l'extérieur. Donc ça permet d'éviter la surchauffe aussi de la maison. À titre d'information, en plein hiver, quand on utilise donc le poêle de masse et qu'on a un peu de soleil, au rez-de-chaussée, donc la partie à demi enterrée avec cette forte inertie, on va monter en température aux alentours des 19 degrés. En plein été, quand il y a une canicule de 10 jours, on va monter à 22 degrés. Donc il y a une variation qui est vraiment très très faible toute l'année. Donc ça, c'est très confortable parce qu'au final, les variations de température, ça fait partie des choses qui sont les plus désagréables à vivre. Et puis, ça participe de cette économie d'énergie puisqu'on économise du chauffage en hiver. Et puis, bah, l'été, on n'a pas besoin de clim parce qu'avec 22 degrés, on a même tendance à mettre un petit pull quand on rentre tellement il fait frais par rapport aux 42 degrés extérieurs. Alors, l'étage réagit un peu plus, mais on reste dans des proportions somme toute similaires puisqu'on va monter à 26 degrés en plein été en canicule. Donc, ça reste très, très raisonnable aussi, quoi. Voilà, donc une belle expérimentation qui a été menée ici en déconstruction et reconstruction sur un même site. Et qui t'a permis justement de peaufiner tout ce projet HIDRE, donc interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi de matériaux de bâtiment. Alors ça m'a permis de le démarrer en fait. Si je reviens un tout petit peu sur l'origine du projet, moi je suis issu d'une famille d'origine paysanne. Mes parents ne sont pas paysans à proprement parler, mais sont fils de paysans et eux ont racheté un commerce de bouche par la suite, un restaurant. Mais j'ai été élevé dans cette culture, notamment on ne jette pas parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc chez ma mère, il y a plein de trucs dans tous les coins qu'on ne sait jamais ce qu'on va en faire, mais on ne sait jamais. Et quand j'ai fait mes études d'archi à Paris, j'ai travaillé en parallèle dans les agences pour financer mes études, et notamment dans une agence où j'ai fait beaucoup de travaux de rénovation d'appartements et de maisons. J'ai appris énormément dans cette agence parce que les deux archis pour qui je bossais étaient super chouettes, mais par contre j'ai fait un constat, le constat suivant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une rénovation, on fait tabou la rasa de l'existant, on met tout à la déchetterie, on reconstruit tout à neuf, en général avec du placo. Donc ça venait en contradiction directe avec la manière dont moi j'ai grandi, et quand on est arrivé à Pau avec ma compagne, j'ai dit non mais il faut que j'essaye de faire autrement, et à ce moment-là on s'est mis à chercher un bâtiment qui serait susceptible de nous permettre de faire cette expérience, donc on a cherché un bâtiment qui qui serait notre mine de matériaux, de matières premières. Mais je me suis lancé là-dedans en 2013, vraiment de manière expérimentale à titre personnel. J'avais aucunement prévu de développer quoi que ce soit. Mais il s'est avéré que ça a parlé à d'autres aussi. Il y a pas mal de gens qui sont venus voir ça et qui ont trouvé ça intéressant. Et on a fini par monter l'association Hydre sur cette base-là, en se disant, puisque ça a bien marché ici, on va essayer de réitérer, puis on va essayer de d'expliquer aux autres que effectivement c'est quelque chose qui peut marcher. Donc on a commencé à structurer le projet de l'association sérieusement à la fin de mon chantier. Donc ça fait seulement 2 ans, alors que mon chantier, je l'ai commencé en 2013, début 2014. Donc c'est pas lui qui m'a permis de peaufiner, c'est la suite. Hydre donc existe dans le sud-ouest, ici à Pau, mais rayonne un petit peu sur le département des Pyrénées-Atlantiques, certainement, avec des artisans un peu partout. Mais il y en a d'autres en France. Tu pourrais nous en citer quelques-uns qui vous ont inspiré ou avec lesquels vous avez travaillé et vers lesquels les auditeurs intéressés pourraient se tourner? Juste à côté de chez nous, parce que c'est des copains, mais aussi parce que ça participe complètement de tout ça. Il y a l'association Pachama sur le territoire du BAB, donc Bayonne, Anglette, Biarritz, qui monte un projet de recyclerie des matériaux du bâtiment. Au-delà de ça, pareil, pas très loin, sur Toulouse, il y a Recyclobat. À Paris, il y a Bellastock, qui a fait un énorme travail sur le sujet et qui a notamment participé à une exposition qui a été réalisée par l'agence d'archi Encore Heureux, une exposition qui s'appelle Matière Grise, qui a eu lieu en 2014 à Paris, qui a été un peu le point de départ de ces histoires de déconstruction et de réemploi en France. Donc c'est assez marrant de voir qu'il y a vraiment une filiation aussi avec tout un historique politique, quoi, parce que c'est clairement marqué aussi à ce niveau-là. Ça veut dire repenser intégralement notre rapport à la matière et au droit de propriété. La définition d'un déchet, ça n'est pas quelque chose qui est cassé ou qui ne peut plus remplir sa fonction, c'est quelque chose dont on ne veut plus et dont on souhaite se débarrasser. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ne marche plus. Mais le droit de propriété, en incluant dans le droit français 3 droits romains différents, qui sont le droit d'usage, donc l'usus, le fructus et l'abusus. Donc tu sauras mieux expliquer dans le détail ce que c'est que tout ça, parce que je n'ai pas de formation là-dedans. Mais voilà, cette imbrication des 3 droits crée en France un droit de propriété qui permet de générer des gâchis phénoménaux et qui entretient la société de consommation. La déconstruction, elle participe du questionnement aussi de ces droits-là, parce qu'un matériau dont on ne veut plus parce qu'on retape chez soi, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le mettre en déchetterie et de le casser ou de le brûler. Ça veut dire que on ne veut plus faire usage de son droit, on ne doit pas abuser, mais on ne veut plus pratiquer l'usus de ce matériau-là. Par contre, l'usus, il doit rester disponible pour quelqu'un d'autre. Donc il y a un vrai questionnement à ce niveau-là, et c'est fondamentalement une question de mode de consommation et une question politique. Mais alors du coup, tu disais aussi, la société capitaliste fonctionne par le fait de tout casser par grandes phases. Donc finalement, la démolition a fait partie de la relance économique. On l'a bien vu, donc les guerres sont des facteurs de développement économique. Après une guerre, il y a un boom économique. Ouais. Et finalement, pour toi, est-ce que le système capitaliste favorise la démolition pour toujours stimuler l'économie? C'est un stimulant de l'économie, puisque quand on va casser quelque chose dans une démolition, ça implique d'une part de générer le capital dont je parlais tout à l'heure de la grosse pelle, donc il faut la fabriquer, ça fait tourner des entreprises pour fabriquer ces pelles. Et puis ensuite, une fois qu'on a démoli quelque chose, il va falloir reconstruire quelque chose. En général, c'est ce qu'on fait, hein, l'ANRU avec l'Agence nationale de renouvellement urbain. Le renouvellement urbain, c'est démolition, reconstruction. Donc on sait que ça veut qu'on va se fournir des nouveaux matériaux qui vont être neufs et donc qui font tourner des entreprises, etc. Donc c'est bien en soi d'avoir des entreprises qui embauchent des gens. Maintenant, on sait aussi qu'il y a une mécanisation de plus en plus importante, voire une robotisation des entreprises. Donc ça ne profite plus aux gens non plus, quoi. Et effectivement, la destruction permet de générer de la valeur dans le système capitaliste, et c'est un vrai gros problème. La valeur, elle est déjà existante. Enfin, dans une planète finie, on ne peut pas en fait créer ex nihilo de la valeur. Elle est toujours là. Là, on est juste en train de la détruire. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet. Oui,